montage, on peut dire qu'il est pratiquement le même. Enfin, pratiquement, oui, à quelque chose près. C'est un montage très compliqué. Et donc, ben, je vais t'expliquer comment est le montage tout de suite comme ça. Et puis, au Castel, c'est un peu pareil. Donc, déjà, pour les coiffes, quelles qu'elles soient, que ce soit en Bretagne, en France, même en Europe, puisqu'il y avait des coiffes partout, hein, dans toute l'Europe de l'Ouest au moins, le principe pour une femme est déjà d'avoir les cheveux longs. On n'a jamais porté une coiffe avec des cheveux courts. Alors ça se fait beaucoup maintenant pour le folklore, disons, avec un petit F, ceux qui ne veulent pas respecter vraiment, on se permet de tricher, on met la coiffe sur la tête d'une certaine façon, et puis on cache, ou on ne cache pas, c'est pas ce qui n'est pas beau du tout, mais bon, on essaie de tricher. Alors que les cheveux ont leur rôle à jouer pour toutes les coiffes. Pour la bigoudaine déjà, bon, il faut les cheveux, parce que bon, je vais t'expliquer donc comment ça se met. D'abord, il faut les cheveux longs qui sont peignés dans le dos. Et ensuite, on pose un bonnet de velours à trois quartiers, qui pouvait être brodé donc quand la coiffe était petite et qu'il y avait des beaux costumes et tout ça. Mais donc un bonnet déjà. Ensuite, Le coiffe bléau, bravo. Alors K-O-E-2-F, faut pas oublier le 2-F. Bléau. Le coiffe bléau, qu'on pose d'abord. Ensuite, on met un peigne, le peigne courbe, qui s'appelle en breton agrib. Agrib, c'est le peigne, donc de n'importe quel peigne, mais bon, nous, il nous faut un peigne. Et donc, un peigne agrib. Alors, un peigne rond, dont les deux extrémités, je parle de la façon traditionnelle de mettre la coiffe, dont les deux extrémités sont aplaties pour passer sous le coiffe bléau. Alors, on peut mettre le peigne avant, on peut le mettre après, ça dépend de chaque personne après, mais bon, je vais déjà montrer comme ça. Ensuite, alors, on retrousse les cheveux. Avant de retrousser les cheveux, pour les femmes âgées ne montraient pas beaucoup de cheveux, dans les cheveux qui étaient donc tirés sous le bonnet, bon, ça restait comme ça, pour les femmes âgées, on ne voyait pas de cheveux pratiquement. Mais les autres, ma mère, par exemple, c'était son cas, quand elle, avant de retrousser avec une aiguille, elle tirait les cheveux de dessous son bonnet pour faire ses petites frisettes. Devant, oui. Donc elle faisait des simples ondulations. Ma maman était née en 6, donc les femmes de cette génération-là étaient encore assez sobres dans leur mise. Après, bon, ça a changé pour les générations. Dans le film d'archives, on la voit faire ça, il me semble, tirer une mèche comme ça. Tout à fait. Son bonnet pour faire une petite. Exactement. On voit la dame le faire avec un peigne qu'elle tire dessus. Ah oui. Donc c'est ça. Alors elle tire avec, et cette aiguille qui lui sert, donc la dame dans le film de 64 ou 60, là c'est un peigne qu'elle utilise pour tirer, avec les dents du peigne elle tire dessus pour former aussi les ondulations, mais maman c'était avec une aiguille, une petite aiguille qu'on appelle en breton arvrochen. Arvrochen, A-R-V-R-O-C-H-E-2-N. La petite aiguille que j'ai gardée toujours, que j'ai toujours. C'est comme une aiguille à tricoter mais très fine. Une petite. Alors, elle fait donc ses croche-cœurs, qu'on peut appeler ça comme ça si on veut. Ensuite, elle retrousse donc ses cheveux par-dessus, en les peignant d'abord avec un peigne normal, puis avec le peigne à poux. Le peigne à poux qui est donc très fin. Alors, pour se faire, parce que là, les cheveux à l'arrière, il faut que ça soit absolument lisse, très lisse. Alors, le peigne à poux s'appelle la grippe là-haut. Le peigne, c'est agrippe, j'ai dit tout à l'heure, là où, L-A-O-U. pour tous les jours, quand elles étaient plus jeunes, c'était un quart d'heure, peut-être 20 minutes.